Elle maniait des pinceaux, des fioles, des coquilles, des plaques de verre. Le long de la corniche, contre le mur, s'alignaient des planches gravées. Des bribes de papier fin voltigeaient, et un poêle de fonte exhalait une température écœurante où se mêlait l'odeur de la térébenthine. Les ouvrières, presque toutes, avaient des costumes sordides. On en remarquait une, cependant, qui portait un madras et de longues boucles d'oreilles. Tout à la fois mince et potelée, elle avait de gros yeux noirs et les lèvres charnues d'une négresse. Sa poitrine abondante saillissait sous sa chemise, tenue autour de sa taille par le cordon de sa jupe. Et, un coude sur l'établi, tandis que l'autre bras pendait, elle regardait vaguement au loin dans la campagne. À côté d'elle, traînait une bouteille de vin et de la charcuterie. Le règlement interdisait de manger dans les ateliers. Mesures de propreté pour la besogne et d'hygiène pour les travailleurs. Sénécal, par sentiment du devoir ou besoin de despotisme, s'écria de loin en indiquant une affiche dans un cadre. Hé, hey, là-bas, la bordelaise, lisez-moi tout haut l'article 9. Eh bien, après? Après, mademoiselle, c'est 3 francs d'amende que vous paierez. Elle le regarda en face impudemment. Qu'est-ce que ça me fait? Le patron, à son retour, la lèvera, votre amende. Je me fiche de vous, mon bonhomme. Sénécal, qui se promenait les mains derrière le dos, comme un pion dans une salle d'études, se contenta de sourire. Article 13. Insubordination, 10 francs. La Bordelaise se remit à sa besogne. Madame Arnoux, par convenance, ne disait rien, mais ses sourcils se froncèrent. Frédéric murmura. Ah, pour un démocrate, vous êtes bien dur. L'autre répondit magistralement. La démocratie n'est pas le dévergondage de l'individualisme. C'est le niveau commun sous la loi, la répartition du travail, l'ordre. Vous oubliez l'humanité, dit Frédéric.